et honte d'être un citoyen du pays des droits de l'homme. L'émigration choisie, l'identité nationale, comme au pourtant de Vichy, le gouvernement Laval. Yeah.